trouver sur le net. Nous vous présentons cette semaine 4 des stratégies évoquées par Noam Chomsky afin de comprendre comment réfléchissent ceux qui sont tapis derrière nos téléviseurs. Commençons d'abord par la stratégie de la distraction, qui consiste à détourner l'attention du public des problèmes importants et des mutations décidées par les élites politiques et économiques grâce à un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes. C'est une émission ridicule qui peut être fascinante quand on est complètement fakirisé par la médiocrité et la vulgarité, pourquoi pas que pendant quelques soirées, mais qui c'est intéressant de voir jusqu'où vont les clichés de l'Afrique, c'est ça qui est intéressant. Vous êtes fakirisé par la vulgarité, Philippe Tesson. L'Afrique est magnifique, l'Afrique souffre, l'Afrique est le grand continent de notre planète aujourd'hui, et voilà ce que un pauvre petit continent en fin de civilisation comme l'Europe peut arriver à produire comme distraction. C'est une ferme célébrité en Afrique avec des connards et des connasses qui acceptent de jouer dedans. La stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher le public de s'intéresser aux connaissances essentielles dans les domaines des sciences, de l'économie, de la psychologie et de la cybernétique. Quel savant suédois a donné son nom à l'échelle de température utilisée en France ? Scheringers. Celsius. Dans l'Antiquité, quelle langue les Romains imposèrent-ils dans tout leur empire ? L'anglais ? Le latin. Arnaud, quel médecin autrichien est considéré comme le fondateur de la psychanalyse ? George Michael. Qui fut maire de Paris de 77 à 95 ? Louis XVI. Jean-Michel. Ensuite vient la seconde stratégie, celle de créer des problèmes, puis offrir des solutions. Cette méthode est aussi appelée problème-réaction-solution. On crée d'abord un problème, une situation prévue pour susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu'on souhaite lui faire accepter. Prenons un exemple, laisser se développer la violence urbaine ou organiser des attentats sanglants afin que le public soit demandeur de la loi sécuritaire au détriment des libertés individuelles. Ces 12 caméras seront placées aux endroits stratégiques de la ville courant 2012. C'est une sécurité supplémentaire pour la ville quand même, surtout dans la rue de la Constitution où il y a tous les commerces. Vous trouvez que c'est une ville où il y a des problèmes de délinquance ici ? Non, mais il y en a un petit peu. Il y a quand même des jeunes qui traînent. Ou encore, créer une crise économique pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux et le démantèlement des services publics. Passons à la troisième stratégie, celle de la dégradation. Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l'appliquer progressivement, en dégradé sur une durée de 10 ans. Chômage massif, précarité, salaire n'assurant plus un revenu décent, autant de changements qui auraient provoqué une révolution s'ils avaient été appliqués brutalement. Et enfin, et non pas des moindres, la stratégie du différé, une autre façon de faire accepter une décision impopulaire et de la présenter comme douloureuse mais nécessaire en obtenant l'accord du public dans le présent pour une application dans le futur. Il est toujours plus facile d'accepter un sacrifice futur qu'un sacrifice immédiat. Il y en a marre, hein, mais marre, hein. C'est pas compliqué parce que là, il y a un moment donné où, si vous voulez, c'est plus possible, hein. C'est plus possible, hein. On n'en peut plus. Ah ben non, on n'en peut plus parce qu'il y a un moment donné, si vous voulez, et à un moment donné, on atteint à des limites, hein. On atteint à des limites, et là, à un moment donné, on dit stop. Parce qu'attention, hein, attention, hein. Parce qu'attention, on n'est pas tout seul, hein. J'aime mieux vous dire qu'il y en a un sacré paquet derrière, hein. Parce que là, vraiment, on arrive à un moment donné où qu'on on est arrivé. On plus. Bah, non, mais on est. Combien de fois on l'a répété? On est à ras des pâquerettes. Alors. Combien de fois on l'a répété? Je ne sais pas. On l'a répété un certain nombre de fois, tel qu'aujourd'hui, on dit non-stop, fini, terminé. Hein, on freine des quatre fers, hein, des quatre pieds. On n'avancera pas. On fera pas un peu de plus. Hein, terminé, hein. Alors, parce qu'il y en a plus qu'assez. Bon, c'est tout. Non, je ne me calmerai pas, justement. Non, je ne me calmerai pas. Ça t'arrangerait trop que je me calme. Non, mais alors, non, sûrement pas. Hein? Alors quand même, hein? Toi, tu essaies toujours d'arrondir les angles. Le problème n'est pas... Quoi, le problème? Alors, écoute, mon petit père, resitue-le, le problème. Vas-y, resitue-le. Bon, alors, quand même, tu essaies toujours de faire cavalier seul et c'est tout. Hein? Je t'en prie. Oui, je vous t'en prie. C'est ça, les rats quittent le navire. Hein?

avec l'ensemble de tous les mouvements sociaux, politiques et de résistance, il y a eu une très grande diversité de la presse au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ça n'a pas duré tellement longtemps parce qu'il y a une restructuration capitaliste qui a fait que la concentration s'est faite dans de moins en moins de propriétaires de journaux et, il faut le dire, et parce qu'il y a eu abandon, perte, disons, d'intérêt politique et idéologique d'une série de forces syndicales, politiques dites progressistes, de gauche, qui abandonnaient ces journaux parce qu'elles faisaient confiance à ce que les propriétaires privés des grands groupes allaient leur donner, disons, la voix au chapitre et être écho de leurs préoccupations sociales ou politiques, ce qui ne fut pas le cas. Et c'est cette double considération qui fait qu'aujourd'hui, les médias appartiennent à une minorité de grands propriétaires financiers. En France, c'est très caractéristique par des grands noms. C'est un point que Alexandre voudra, je pense... Je vais lui laisser développer. Alors, développer ça, plus tout à l'heure. Il va développer, pas de problème. Et donc, moi, je voulais dire qu'à partir du moment où il y a cela, moi, je trouve qu'il est normal que l'on aborde pas uniquement les cas qu'il vient de citer qui sont dramatiques au niveau humain, mais également la quotidienneté. Et si je prends pour l'ensemble des travailleurs, eh bien, je vais prendre volontairement, disons, d'abord la part des travailleurs féminins. Là, de nouveau, si vous regardez bien comment est construite, disons, la ligne éditoriale d'un journal, et que vous l'analysez sous le critère féminisme, vous allez voir que la place est très, très importante, et c'est la part belle, disons, de l'image que la société de consommation a besoin par la mode, par la publicité, par le look, par la manière d'être, par la culture, etc. Mais que la partie, disons, réelle du monde féminin qui est en souffrance, c'est-à-dire beaucoup de femmes qui ont des gosses à gérer, qui ont parfois perdu leur emploi, qui parfois sont exclues du chômage, qui doivent en plus, disons, de toutes les tâches ménagères, devoir remplir une série de fonctions économiques dans les plus grandes souffrances et les plus grandes difficultés, celles-là ne représenteront pas 1% de la surface éditoriale du journal vis-à-vis de l'ensemble du traitement de la femme, de la mode, de la musique, des stars et de toute autre forme. Ce type de volonté, disons, d'éliminer une partie de la représentation sociale, c'est parce qu'il faut intégrer l'ensemble du public à un modèle économique et social où il y a l'acceptance. L'acceptance d'un modèle libéral et économique où il est normal que c'est ces valeurs-là qu'on prône de manière à accroître la fonction économique du libéralisme et donc du capitalisme. Donc moi, je crois que rien n'est neutre et que la propriété des journaux favorise, à un tout petit groupe, favorise ce type d'exclusion massive d'un grand nombre de travailleurs. Et ça, c'est très important de le savoir, parce que si on n'analyse pas ces facteurs-là, on ne pourra pas, disons, remobiliser l'ensemble des forces sociales à reconquérir des valeurs et des droits. Et ce même problème existe avec une partie, disons, des immigrés qui sont rejetés dans les quartiers les plus déshérités et parfois dans des systèmes scolaires défavorisables pour l'ensemble de leur accès à l'épanouissement intellectuel et culturel. Mais Stéphane Houbet, justement, comment un média qu'on pourrait qualifier de mainstreaming, la RTBF n'est pas nécessairement un média alternatif, peut-il développer des alternatives médiatiques pour justement mieux parler de ces exclusions, de toutes ces personnes qui, d'une manière ou d'une autre, se retrouvent exclues de la société, mais qui se retrouvent aussi exclues du champ médiatique, ou dont le traitement médiatique provoque une forme de phénomène d'exclusion. Que peut faire la RTBF, média de service public, dans cette question ? La RTBF peut et doit faire beaucoup de choses. Alors, elle a évidemment des missions, et puis elle a des actions concrètes. Alors, j'ai toujours un peu du mal à jouer un rôle de purement promotionnel RTBF. Et ceux qui me connaissent un peu savent que j'ai plusieurs casquettes et aussi une grande liberté d'expression. Et donc, je ne suis pas ici pendant les quelques minutes qu'on me réserve pour défendre et soutenir la RTBF aveuglément. Et je voudrais quand même juste partager certaines choses. C'est que depuis maintenant un an, il y a une vraie action en matière de diversité menée par Safia Kessas, qui était d'ailleurs là l'année passée pour en parler ici lors du premier salon des médias. Et cette volonté de la RTBF, elle se traduit par ce qu'on appelle aujourd'hui la diversité inclusive. Alors de nouveau, ce sont des mots et on pourrait ici aussi faire tout un colloque sur c'est quoi la diversité inclusive. Mais c'est un peu pour répondre à la critique correcte de François, à savoir si on ne parle des minorités que dans des émissions alibi, pour ne pas dire des émissions ghetto, on ne fera pas avancer les choses et on ne fera pas évoluer les mentalités. Par contre, si effectivement on inclut la diversité, les diversités dans tous les programmes, dans tous les genres, alors on fera avancer la société. L'exemple à nouveau aussi de François tout à l'heure sur le fait qu'il participait à une émission de télé telle qu'il est, c'était évidemment une action intéressante et donc dommage évidemment que ça n'a pas été poursuivi. Donc on doit mener une action concrète en faveur d'une diversité inclusive, mais aussi, et ça c'est un point où là je suis plus ferme que Safia, c'est surtout éviter d'une part les quotas, et surtout derrière cette idée de quotas, c'est éviter d'entrer dans une société où on réduit les personnes à une identité. Par exemple, François, on le réduirait à une identité. On réduirait intervenant de droite à un gauchiste, et ainsi de suite, pour dire par exemple que moi, on me réduirait, hypothèse, je serais transgenre, on me réduirait au fait que je suis un transgenre. Bon, je veux, moi, en tout cas, en tant que juriste et aussi en tant qu'être humain, insister sur cette conviction ferme, et à ce stade, en tout cas, c'est aussi la position de la RTBF, on ne réduit pas les personnes, celles qu'on engage, celles que l'on montre, à une identité. Et ça, pour moi, c'est vraiment essentiel. Sinon, on tombe dans un travers qui est un peu d'ailleurs le travers soit américain, soit qu'on entend de plus en plus en France. Et c'est vraiment pas le modèle qu'on doit soutenir. Alors, sur l'action concrète, moi, je me suis amusé, en fait, en préparant un tout petit peu le débat de ce soir, à pointer quelques programmes que la RTBF a diffusés tout récemment, c'est-à-dire samedi matin, Pascal Claude avait Yasmina Kadra présent comme invité. Yasmina Kadra, pour son roman sur les dernières heures de Kadhafi. Quelques heures plus tard, il y avait le grand oral, on invitait le baron Ampin. Et ceux qui ont entendu l'interview, hein, sans être des pros du capitalisme, c'est une interview qui mérite d'être entendue. Mercredi soir, à 20h, sur la Une, donc prime time, pour utiliser des mots connotés, un reportage, certains l'ont peut-être vu, j'espère, un reportage de Manu Bon Mariage sur l'euthanasie. Et puis hier soir, là c'est pour faire la parenthèse avec Investigation, hier soir, Eddie Kackelberg, c'est 18h30, il ne l'a pas fait pour le débat de ce soir, mais il a invité quelqu'un d'Investigation. Voilà. Tout ça pour dire que la RTBF, évidemment, on peut, comme toujours, hein, on peut évidemment sans doute retenir toute une série de griefs contre la RTBF, mais j'ai voulu prendre ces quelques exemples pour vous montrer que la diversité, elle est évidemment présente dans les actions concrètes de la RTBF, au-delà des grandes pétitions et au-delà des missions qui sont évidemment dans son contrat de gestion, et que cette diversité, elle se manifeste à travers beaucoup de diversité dans nos programmes, dans nos genres, dans nos diffusions, mais évidemment aussi, il faut savoir que une télévision, je pense surtout pour une télévision, c'est moins vrai pour une radio, elle doit tenir compte de son public. Et on sait très bien que si on met un documentaire, par exemple, les superbes reportages d'Adjel Habib, si on met ça sur la première à 20h15, en frontal avec Koh-Lanta, les gens regarderont Koh-Lanta. Ça, c'est une réalité. Et donc, on doit en tenir compte quand on fait des programmations. Et donc, par exemple, le mettre à un autre horaire, sachant qu'aujourd'hui, avec l'évolution tout à fait bénéfique ici des technologies, les gens peuvent après regarder aussi le programme quand ils veulent en vidéo à la demande. Et ça, c'est évidemment pour moi une évolution très positive. J'arrêterai. Et justement, télévision à la demande, tout à l'heure discutant avec Abel, on se posait justement la question de la mémoire. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut accéder à l'information de manière illimitée. Et en fait, il y a véritablement un problème d'exclusion de tout un patrimoine social, historique, parce que, justement, cette mémoire est en train de partir, de s'effacer. C'est pas nécessairement un complot, mais tout ça aussi participe peut-être à une forme d'exclusion du savoir, parce qu'au-delà des personnes, il y a peut-être aussi l'histoire qu'on est en train d'exclure. Oui, il y a beaucoup de choses là-dedans, évidemment, mais ce qu'on peut peut-être dire... Je vais prendre un exemple concret par rapport à cette problématique d'exclusion par la nature du média lui-même. Bon, je suis assez âgé pour avoir connu le début des télévisions communautaires ici en Belgique. Ça se passe dans le début des années 70. Alors, ces télévisions communautaires ont d'abord été organisées autour de projets qui étaient un projet politique et notamment syndical. Pour faire face et pour essayer de combattre le monopole à l'époque des télévisions publiques et entre autres de la RTBF. Un exemple concret de la perte de mémoire en quelque sorte de ce genre d'initiative en matière d'action des médias alternatifs, c'est que par exemple à Liège, mais ici aussi à Namur, Radio, Télévision, Animation, Canal C en l'occurrence, puis Canal Emploi à Liège. Au moment de la dislocation de ces studios, c'est-à-dire dans les années 85, quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'on a fait des productions de ces télévisions communautaires? Je parle surtout de Canal Emploi. Eh bien, simplement, toutes les cassettes vidéo de toutes les émissions, il y en avait des centaines, des émissions qui parlaient de sujets sociaux, des émissions qui parlaient de sujets proches des gens et qui étaient souvent réalisées avec les gens, eh bien, toutes ces émissions étaient enregistrées sur cassette à l'époque et ces cassettes ont été vendues d'occasion sur le marché de la Batte à Liège, tout simplement. Et donc, un grand pan du patrimoine, je vais dire, de ces initiatives, de ces télévisions communautaires. Je parle, en radio, c'est moins vrai. Tout un grand pan du patrimoine de ces télévisions communautaires s'est ainsi carrément évaporé dans la nature. Seuls quelques collectionneurs privés, dont je suis du reste, ont encore un certain nombre de ces émissions. Mais il faut savoir que pour pouvoir lire ces émissions, il faut aussi avoir les appareillages techniques, les lecteurs qui permettent de les lire. Que d'autre part aussi, ces supports n'ont pas une durée infinie. Que les données, c'est pour parler moderne, que les données disparaissent au bout d'un moment. Bon. Alors, ça pose la question aussi de la convergence, de cette espèce de convergence technologique qui fait que le matériel qui permet de lire les choses qui ont été dans l'histoire, qui font partie du patrimoine historique, disparaît parce que ce matériel disparaît complètement. Il est très difficile de trouver encore, tu pourras me reprendre si tu veux, Rony, mais il est très difficile de trouver des lecteurs bêta, du VHS, on en trouve encore, mais c'est relativement rare. Et donc toute la convergence technologique, toute l'industrie technologique de la production et de la lecture de ce patrimoine et de tout ce qui a été fait avant par le secteur associatif en général, eh bien, c'est complètement impossible de le lire vu que la convergence technologique fait que il n'est plus possible de trouver le matériel pour les lire. Donc c'est un aspect, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment de chez nous. Hein. J'ai retrouvé un petit papier que j'ai écrit en 2002 à la demande de la Commission européenne sur notamment la médialittératie, les compétences médiatiques, si vous voulez, et sur les alternatives médiatiques. Et je ne vais pas tout vous lire, rassurez-vous, simplement je vais prendre le début. Je parle de l'expérience française en matière de médias alternatifs. Ça se passe à Strasbourg le 12 juin 1975. Alors il y a deux personnes, Julien Giusti et Gilles Verprat, qui réalisent pour le comité d'éducation extrascolaire du développement culturel du Conseil de l'Europe une étude sur la vidéo comme outil d'animation dans les villes nouvelles, référencée comme suite, il y a la référence. Ce document rend compte d'une expérience de vidéo-animation réalisée de 71 à 75 dans chaque ville nouvelle de la région parisienne. Les objectifs de l'action étaient les suivants. Sensibilisation, initiation technique au langage audiovisuel et à la vidéo-animation dans une perspective d'intégration sociale, d'émancipation par rapport aux médias de masse et de responsabilité citoyenne. Réalisation de documents originaux et préparation d'un système d'échange via la télédistribution en vue d'instaurer une culture du débat et d'encourager le dialogue interculturel. Le discours d'aujourd'hui est très proche de celui-là. Je n'ai pas fini. Création de relais associatifs dans la société civile pour l'animation et la production d'audiovisuel local. Prise en charge des compétences médiatiques. On parlera sûrement d'éducation en médias tout à l'heure. Prise en charge des compétences médiatiques et de l'exploitation des productions en animation par les associations locales. Alors, ces objectifs qui ont été validés par l'expérience devaient permettre aux initiateurs de négocier une place au sein des futurs réseaux de télédistribution, qui n'existent plus, mais voilà. Assurer l'animation globale des villes, je vous parle de ça, d'une expérience de 70, hein. Assurer l'animation globale des villes nouvelles et susciter la création d'une télévision communautaire censée diffuser l'image vraie, selon leurs propres termes, des habitants par opposition aux images stéréotypées diffusées par les médias officiels, à l'époque essentiellement l'ORTF, monopole d'État. Je termine. Malgré un large consensus rencontré chez tous les partenaires publics et privés de cette aventure pour la promouvoir, parmi ceux-ci, de nombreux ministères, du service de la recherche, de l'ORTF, la Société française de télédistribution, les firmes industrielles, Thomson, Saint-Gobain, Intec, Siemens, etc., et des résultats difficiles à structurer mais encourageants, comme la mise en question des formes de vie même dans les villes, par des résidents qui habitaient aussi, non seulement les villes, mais ils habitaient, enfin, c'était l'objectif, c'était de les faire habiter leur image, ils habitaient leur propre image en quelque sorte. L'expérience est restée sans suite marquante. Le cadre juridique destiné à réguler le comportement des industriels et de la diffusion a cantonné le projet dans le champ expérimental et l'accès à la télédistribution s'est révélé problématique. La télévision communautaire s'est épuisée. Le partenaire ORTF, on le sait, bien sûr, a disparu, laissant les initiateurs, sans interlocuteurs. Et enfin, les innombrables bandes enregistrées témoignant de toute cette vie et des compétences narratives acquises n'ont pas été conservées non plus. Bon, vous voyez, ça s'est passé en Belgique, ça s'est passé en France, ça s'est passé au Canada, et il y a comme ça tout un pan de l'expérience média et société, si vous voulez, cette espèce de rapport entre le média et la société, qui a complètement disparu. On reprend une partie de ce langage maintenant dans les opérations d'éducation aux médias. Évidemment, les technologies d'aujourd'hui ont modifier ce rapport entre société et individu, et voilà, c'est sûr. Mais n'empêche, aujourd'hui aussi, si vous voulez, les attributs que permettent, les attributs dont nous revêtent les nouvelles technologies, c'est-à-dire l'immédiateté, la permanence, l'ubiquité, etc., ces attributs presque divins, en quelque sorte, fait que les choses passent, disparaissent extrêmement rapidement, dans la précipitation. Et les traces, si vous voulez, des échanges qui peuvent exister, que ce soit sur les médias sociaux ou sur d'autres types de médias que permettent d'autres types d'objets, quelque part audiovisuels, par exemple, que permettent les nouvelles technologies, les traces, l'histoire, l'historicisation des choses est en train de s'estomper, de se disloquer. Alors c'est un questionnement intéressant aussi, mais on en parlera peut-être plus tard. C'est l'externalisation de la mémoire. On externalise en quelque sorte la mémoire, on laisse la mémoire à des constructions technologiques telles que le cloud, etc., etc. Et nous ne sommes plus en quelque sorte propriétaires du même processus de mémorisation et d'historisation. Et cette perte de mémoire participe d'une certaine manière à rendre impossible l'explication de phénomènes de société d'aujourd'hui dont on peut trouver les germes il y a déjà 30-40 ans, de combats qu'on a menés, qui étaient les mêmes, qui avaient les mêmes causes, où on a tiré les mêmes constats, où on a tiré aussi les mêmes perspectives, et se rendre compte que finalement, les problèmes d'exclusion qu'on vit aujourd'hui, on les vit sans doute d'une manière exponentielle, mais qu'ils existaient déjà dans le passé, dans une autre mesure peut-être. Ben oui, voilà. Tu as tout à fait raison. Bon, voilà, moi c'est pour le, tout, en tout cas, le phénomène de l'externalisation de la mémoire, le fait d'être dépossédé parce que nous sommes maintenant assistés par des quantités de prothèses de type médiatique, je ne sais pas, ce n'est pas les médias de masse traditionnels, de flux, etc., nécessairement, mais de type médiatique, fait que notre comportement par rapport à notre propre histoire et à l'histoire de nos sociétés change. Maintenant, il ne faut pas non plus plomber l'atmosphère en disant ça ne sert à rien, c'est dangereux, etc. Non, je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'il y a une question à se poser. Qu'est-ce que nous faisons avec ça et comment est-ce que les différentes questions qui se posent en matière d'exclusion sociale, par exemple, en matière de souffrance au travail, on l'a dit, en matière... Bon, comment est-ce que ça s'inscrit dans une histoire, dans un récit qui est transmissible pas uniquement dans l'immédiateté, mais qui permettent aussi de réfléchir dessus et donc d'augmenter la capacité de conscience des individus qui sont plongés dans cet univers médiatique contemporain. Ouais, mais justement, peut-être Alexandre, comment est-ce qu'aujourd'hui, le fait que les médias soient concentrés dans les mains de propriétaires tels que Murdoch ou d'autres groupes qui sont plus des empires financiers que véritablement des entreprises ou des entreprises d'information. Comment est-ce que cette évolution des médias rend compte justement d'une société où, d'une part, j'entends parler de diversité inclusive, hein, mais où on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'exclusion de tous ordres. Bonsoir. Mais il faut d'abord savoir que cette course à l'audimat hein, que fait le service privé et les télévisions privées est totalement suivie et acceptée par le service public. Et donc il faut comme... C'est pas pour rien qu'on a fait nos deux premiers dossiers sur la RTBF et qu'on demandait un peu naïvement et en rêvant une RTBF sans publicité. Et il faudra bien un jour que ça arrive. Il faut savoir que on l'a oublié, beaucoup l'ont oublié. On accepte petit à petit les choses. Il faut savoir que le matin, quand les managers de l'RT, parce qu'on les appelle managers maintenant, de l'RTB se lèvent, ils regardent les chiffres d'audimat de Koh-Lanta la veille et se demandent s'ils ont battu RTL-TVI. Donc ils sont dans une course croissante à l'audimat qui fait de leurs téléspectateurs avant tout des consommateurs. Alors c'est la réalité. Le président de TF1 l'avait d'une manière totalement cynique dit. Donc ne nous voilons pas la face, premièrement. Donc on sait très bien aussi que la régie média belge, donc celle qui vend des espaces, occupe les espaces publicitaires sur la RTBF, a un rôle très important dans le contenu des programmes et dans les grilles horaires. Donc quand ça n'amène pas assez de part de marché, puisque maintenant la télévision et les médias se gèrent comme des entreprises privées, on les écarte ou on les met à des heures un samedi matin ou un dimanche soir. Donc il faut quand même rappeler pourquoi on est là aussi. On est là parce que les médias de base ne font pas leur boulot, hein, on aime bien ce qu'on fait, on rigole aussi, mais parfois ça prend quand même du temps, on est tous bénévoles et voilà, on pense que c'est un rôle citoyen pour le futur et pour les gens qui nous suivront d'avoir des médias réellement libres. Alors on s'est battu pour la RTBF parce que c'est un service public et on pense que le service public doit rester public. On pense aussi qu'on peut rendre les choses importantes, intéressantes pour les gens. Je crois qu'on irait justement sans caricaturer les handicapés, mais les gens des classes aussi ouvrières et les gens des banlieues sans en faire des phénomènes. On pourrait justement attirer les gens. Mais les médias traditionnels anticipent toujours, soi-disant, le goût de leurs téléspectateurs ou de leurs lecteurs, alors que tout simplement, ils le choisissent parce que c'est vendeur. Mais il faudrait essayer de faire autrement, et je crois que ça pourrait marcher très bien aussi. Alors, les autres presses, pour parler de la presse, on n'y croit plus trop, parce qu'il faut quand même rappeler les trois grands groupes de presse en Belgique. Donc, il y en a trois qui ont la plupart des journaux, si pas tous. Donc je vous dis vite, hein, il y a IPM qui est détenu à 100% par le groupe Maja, qui est lui-même entière propriété de la compagnie de développement des médias, qui est propriété de la famille Leodet, dont Axel Müller, ancien président de Dexia et actuel patron d'Editorun, est président du CA. Donc IPM détient 50% des parts de la Libre Match, dont les 50% restants sont la propriété du groupe Lagardère via sa filiale Hachette Libre. On continue, je ne vais pas tout vous dire, donc il y a RTL TVD, Club RTL. Donc IPM édite la Libre Belgique, la dernière heure, Paris Match Belgique. Donc il possède également un tiers des parts de Scripta, qui elle-même possède 33% des parts de Corellio. Corellio, c'est le deuxième groupe de presse qui, lui, détient de Standard, Newsblatt, Gazette van Antwerpen, notamment. Et le président de Corellio n'est personne d'autre que Thomas Leysen, et qui fut président de la FEB, donc Fédération des entreprises de Belgique, lobby patronal que la plupart connaissent ici, et qui est actuellement président du MICOR, groupe spécialisé en technologie des matériaux, et président de la KBC. Vive le journalisme libre. Il est également membre de la table ronde des industriels européens, puissant lobby réunissant les plus grandes entreprises européennes. Alors le troisième groupe, hein, le groupe Rossel, qu'on connaît bien, puisqu'il édite notre fameux soir avec notre éditorialiste préféré, Béatrice Delvaux. Donc son président, c'est Bernard Marchand, qui est ancien conseiller fiscal chez Arthur Andersen. Donc c'est une société parmi les Big Five qui est impliquée dans le scandale d'Enron, et pour qui, lui, réalisait des audits. Comme éditeur de journal, avant d'être éditeur de journal, il est aussi passé comme vice-président Europe du groupe informatique Olivetti, et plus tard directeur général chez Becker, donc leader mondial du métal. Il terminera, avant d'arriver chez Rossel, par un poste au groupe français Neuf Télécom. Donc ils éditent Le Soir, La Nouvelle Gazette, Vlan, La Meuse, L'Union. Donc c'est évident que le champ médiatique est totalement inclus dans le champ économique et que les lecteurs dans cette configuration-là ne sont pas... On ne s'intéresse pas à eux pour l'information qu'on leur fournit qui pourrait les faire penser, leur donner un esprit critique, mais parce que ce sont des consommateurs. Donc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut quand même le dire, c'est la composition socio-économique des journalistes eux-mêmes. On sait que la Belgique est le pays le plus inégalitaire en termes d'enseignement. Donc déjà, pour arriver à l'université, on a passé quelques étapes. Je crois qu'en 2013, il y avait un étudiant de classe de professionnel. Donc la plupart des étudiants en secondaire professionnel sont issus d'un milieu défavorisé. Ça, les études de l'appel pour démocratique l'ont très bien montré. Notre système scolaire renforce les inégalités socio-économiques. Mais aussi les indicateurs de l'enseignement qui sont édités par la communauté française. Ils n'en parlent pas trop parce que les résultats sont très gênants. J'en étais où ? L'enseignement, déjà, on passe toutes des étapes, on se retrouve à l'UNIF, à la plupart des classes moyennes ou favorisées. Et donc, là, j'ai envie de citer François Ruffin, qui lui avait fait une école de journalisme au centre de formation des journalistes, et qui explique, hein, c'est très clair, « Parmi nous, aucun enfant de manœuvre, de cheminot, de caissière, ni black, ni blur des zones de non-droit. Un cloisonnement social qui renforce encore la claustration. Nous vivons entre nous, nous discutons avec les patrons de presse et autres cadres. Ce qui donne souvent lieu dans le traitement des reportages à un banal racisme de classe. Sous nos plumes, nulle remise en cause de l'ordre scolaire, financier, judiciaire établi, qui nous a, il est vrai, jusqu'ici bien servi, hein, ça faut-il le dire. Donc les journalistes sont très loin du monde ouvrier et ils comprennent vite que dans leur perspective de carrière, trop l'ouvrir risquerait de les mettre dans les placards. Donc pour moi, ils relaient le plus souvent la doxa néolibérale. Et donc je vais vite vous dire quelques éditos. Donc un édito de La Libre, par exemple, suite à une visite organisée par les syndicats de Bruxelles qui voulaient montrer les lieux de pouvoir et les lieux, justement, les grosses villas où ils profitaient d'avantages fiscaux. Donc je cite le journaliste. À la veille du week-end, les responsables syndicaux ont réalisé un safari entre guillemets, dans Bruxelles. Un mini-trip destiné à pointer du doigt les espèces fiscales protégées de Bruxelles, entre guillemets aussi. Amusant, plutôt navrant. La stigmatisation systématique des riches, les pauvres, c'est moi qui rajoute, telle que la pratique des syndicats est déplorable. Alors quoi ? Il suffit d'être pauvre pour être honnête ? Un pays a besoin de riches. Hein ? Un pays a besoin de riches pour investir, pour prendre des risques. Le système devrait d'ailleurs faire en sorte que les grosses fortunes et les autres trouvent un intérêt à placer leur argent dans l'économie réelle du pays plutôt qu'à chercher des rendements élevés ailleurs. Ce ne sont pas les riches qui sont responsables de la crise, mais bien ces apprentis sorciers qui ont profité des failles d'un système pour le faire déraper. Donc, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il faut quand même rappeler que Béatrice Delvaux était stagiaire au Fonds monétaire international, qu'elle a postfacé le livre d'Albert Frère, la deuxième fortune ou la première fortune de Belgique. et qu'elle disait à la fin « Il faut assurer la construction d'un capitalisme fort et conquérant, permettant d'assurer la pérennité d'entreprises qui conservent leur centre de décision au pays. » De manière générale, dans ce système-là, les journaux vont plutôt avoir tendance à monter les uns contre les autres, plutôt expliquer quelle est la colère légitime des travailleurs. Et ça, on l'a encore vu récemment. Alors, on le disait tout à l'heure, entre 150 000 et 250 000 personnes à Berlin contre le TTIP, le lendemain, aucune phrase dans les grands quotidiens. Par contre, le 20 octobre ou le 22 octobre, quand les travailleurs de l'FGTB ont bloqué les autoroutes, il y avait en première page du soir, morte à cause des blocages, si je me souviens bien, un édito en dessous, et en page 2 et 3, parmi les pages les plus importantes, un double article sur le sujet. Donc en fait, pas de place pour les exclus du système, mais une forme d'exclusion de ceux qui veulent justement dénoncer le système qui provoque les exclusions. Elle est évidente. Et le troisième point, c'est la publicité. Comment peut-on faire des médias objectifs dès lors qu'on dépend, qui se réduit, le rôle serait de la publicité se retirer, est de moins en moins important en termes de finances. Mais en tout cas, ils sont toujours là. Donc voilà. On pourra développer ça pendant longtemps encore, mais j'ai assez parlé. Ronnie, justement, comment est-ce que une petite expérience, quand je dis une petite expérience de TV participatif, peut se développer pour apporter un autre regard, une autre vision sur les phénomènes d'exclusion de notre société, les chômeurs exclus, les migrants dont on dit qu'il y a une crise des migrants, mais ce n'est peut-être pas une crise des migrants, c'est une crise de l'accueil des migrants. Comment est-ce qu'on peut, dans un média comme le vôtre, rendre compte de cela, quelle est la volonté qui vous anime, expliquez-nous un petit peu ce qui vous a amené à créer votre média alternatif. Rien que le mot média alternatif, j'ai déjà des boutons parce que pour nous, c'est un disqualificatif. Enfin, on disqualifie tout de suite un média à partir du moment où on lui colle l'adjectif alternatif. Alors ça veut dire que les autres sont continus. Enfin, ou bien média de gauche, alors ça veut dire quoi? Que les autres sont de droite? Ou média du peuple, alors les autres c'est quoi? Donc, nous, on se définit juste... on a un projet de télévision de service public, enfin, même de réinvention du caractère public de la télévision. C'est très ambitieux, donc c'est pas... Enfin, vous voyez les disqualificatifs qu'on utilise pour petit parti? Tu restes éternellement un petit parti à partir du moment où ça se véhicule comme petit parti. Ou extrême-gauche, par exemple, c'est souvent... le langage de droite qui rentre à gauche, et à partir de là on perd un combat idéologique, parce que qui a encore un doute, qui doute encore que c'est à travers la télévision et son langage que se propage quelque part une forme de capitalisme, enfin, est-ce que s'il y a encore des doutes par là, moi j'appartiens à une génération qui a commencé, j'ai fait l'INSAS, une école de cinéma. Je me suis lancé avec le rêve de pouvoir devenir un artiste. Et avec notre principal partenaire, c'était la télévision de service public, notre seul employeur quasiment pour le cinéma documentaire. Évidemment, j'ai mal choisi mon époque. J'ai commencé en 2000, dans les années 2000, où c'était le début du plan Magellan, donc vous voyez les restructurations pour assainir les caisses visant à moderniser la télévision. Je ne sais pas si je dois utiliser ce mot, mais en tout cas, on a bien compris que la télévision, la RTBF, n'allait plus être notre partenaire principal. On a commencé à virer énormément de gens, surtout de gauche en général, et donc on a commencé à chercher d'autres alternatives. À ce moment-là, on a cherché d'autres espaces de liberté d'expression, puisque quelque part, on prend notre responsabilité par rapport à notre métier. On l'aime bien, notre métier. Donc, on est dans ce que nous avons créé comme espace de liberté, qui s'appelle aujourd'hui Zine TV, c'est une grande aventure, dans le sens où elle réunit des personnes ayant un profil assez particulier, c'est des gens qui cherchent des solutions, des gens qui veulent changer le monde. Et donc, quand vous posez la question, comment on fait, ben, on travaille avec. Et on cesse de croire que nous allons représenter leurs paroles. C'est-à-dire qu'on est une génération qui ne croit plus presque à la démocratie représentative que le journaliste souvent incarne en représentant une institution, en étant fidèle à son institution. Donc moi, j'en profite toujours parce que c'est un espace... Enfin, comment parler de liberté si on ne la pratique pas ? Donc c'est vraiment cet espace-là qu'on essaye de mettre en place et qu'on a mis en place officiellement depuis 2009 et qui grandit. Et on est très ambitieux. On veut devenir une vraie télévision de service public. On veut refonder cette idée et on se bat sur quoi ? Ben, on a un héritage avant nous. On a un héritage... on se situe dans une filiation... je pense qu'avant nous, effectivement, il faut récupérer et rafraîchir la mémoire de ce que fut un jour une télévision éducative créée par deux syndicats qui s'appelle Canal Emploi, de 1977 jusqu'à 1989. On a de quoi se baser sur des tas d'expériences. Vous savez, on est dans une époque où il y a des coupes budgétaires dans la culture énormes. On a amputé le budget de la commission de sélection de films à la communauté française de 2 millions sur un budget de 10 millions qu'on n'a pas enlevé à la fiction, mais on l'a enlevé au documentaire. Donc l'exclusion aujourd'hui, ça commence à bien faire, elle est partout, mais elle nous intéresse à plus d'un titre. Elle nous sert comme moyen de se lever, parce que ça ne nous intéresse pas de montrer des gens qui sont victimes. Elle nous intéresse de les montrer quand elles se relèvent. Et donc, on travaille avec tous ceux qui veulent bien se relever. Et donc, du coup, qui c'est qui se relève ? Ben, ce sont des gens, des citoyens qui s'impliquent dans la vie associative, qui créent des organisations citoyennes. Et donc, on travaille avec elles. Mais dans l'action, on croit fortement que les médias doivent devenir la propriété des citoyens. Et donc... Enfin, voilà des idées, si on peut les donner à la gauche. Enfin, je pense que c'est intéressant de créer un espace, justement, qui puisse recueillir des idées de formulation politique, même, qui viennent d'en bas, et que les partis de gauche, en tout cas ceux qui veulent se réclamer de gauche, peuvent s'en approprier. Donc, peut-être question pour Michel Collomb, donner la parole à ceux à qui on ne la donne pas, Michel. Oui, je crois que c'est vraiment ça, effectivement, donner la parole aux exclus, et pour embrayer sur une série de choses très intéressantes qui ont été dites, je voudrais mentionner différentes manières d'exclure. D'abord, il y a l'exclusion par le mythe de l'expert. Dans les télévisions, radios, journaux mainstream, on parle des problèmes avec des experts, comme si eux seuls sont capables de produire des connaissances. Pour donner un exemple, combien de débats on a eu sur le foulard, les femmes voilées, sans femmes voilées, avec plein d'experts qui disaient ce qu'il fallait en penser, qui savaient plus ou moins ou rien, mais pas les intéressés. De temps en temps, on va prendre... une personne qui est dans la situation, mais uniquement comme témoin pour dire ce qu'il ou elle ressent, mais pas comme producteur de connaissances. On interroge sur une fermeture d'usine, vous aurez 10 économistes qui vont répéter que c'est inévitable et blablabla, mais l'ouvrier n'est pas... Éventuellement, on va faire 2 minutes d'ambiance avec lui, mais il n'a pas des connaissances. Tout à l'heure, on parlait d'externalisation de la mémoire. Ici, on est en train de parler de l'externalisation du vécu. Or, le vécu est quelque chose d'essentiel pour transmettre véritablement toute une culture, pour transmettre des valeurs, pour transmettre des combats. Oui. Je travaille, je suis en contact avec beaucoup de gens issus de l'immigration, des différentes générations. Ils sont des objets passifs, ils ne sont pas pris au sérieux, ils ne sont pas pris au sérieux pour les connaissances qu'ils ont, qu'ils produisent. Parfois, ils savent beaucoup plus que les journalistes et les experts. Ça, c'est un premier type d'exclusion, je vois. Un deuxième, je m'excuse, mais je vais parler d'un cas personnel, parce qu'on a fait allusion au fait que Eddie Kackelberg, si je le remercie, a invité pas quelqu'un d'Investigation, mais un auteur publié par Investigation. Investigation, ça n'arrive jamais. Et je voudrais poser la question, en dépassant mon cas personnel, parce qu'il y a plein de gens comme moi, mais celui-là, je le connais bien, donc je vais le dire. Quand j'ai publié le livre Attention Médias sur les médias mensonges de la guerre du Golfe, en reprenant le terme d'un journaliste de la RTBF, Gérard de Sélis, j'ai été exclu par Le Soir, qui a catégoriquement refusé tout débat alors qu'on les avait invités, par Le Monde, par les télés françaises, par RTL. Par contre, à la RTBF, j'ai été refusé dans les JT, j'en ai parlé, mais invité à une série d'émissions de débats avec Le Citoyen. Et j'ai même eu aussi un article publié dans la revue interne de la RTBF, qui manifestement, bien, j'étais extrêmement critique sur leur couverture, qui se posait des problèmes de déontologie. Ça, c'était magnifique. Après, je me suis dit, comme je me spécialise là-dedans, de temps en temps, on va quand même me demander. 10 ans au placard. Pendant 10 ans, jamais une apparition, ni à RTL, on comprend, on sait qui les possède, mais à la télé de service public non plus. Puis tout d'un coup, en 2011, coup sur coup, sans que je sache pourquoi, j'ai été invité 3 fois le dimanche midi, et RTL aussi. Je ne sais pas pourquoi, c'était bien. Malheureusement, j'ai fait une grosse boulette, j'ai dit 2 fois à un ministre qu'il mentait. Donc, non, il est imprudent. Mais je l'ai dit poliment. J'ai dit poliment, mais j'ai dit, hein, vous ne dites pas la vérité, vous relayez un mensonge. Terminé. De nouveau, 4 ans de placard. Donc, est-ce que le fait que ces ministres soient membres des familles ou des partis politiques qui régentent la RTBF, ou est-ce que c'est un complot de ma part de le penser ? C'est une question que je me pose. Maintenant, je voudrais dépasser le cas personnel. Puisque je travaille sur la question des guerres et de la désinformation et de la propagande de guerre, je pense que chaque guerre est accompagnée par une propagande de guerre relayée dans nos médias, privés et publics, et qu'on a un stéréotype. Quand vous avez une guerre, vous avez 2 camps, vous avez 2 versions, il faut écouter tout le monde et se faire son opinion, mais dans nos médias, on entend toujours les gentils, c'est-à-dire nous. Nous, on veut le bien, on veut la démocratie, on veut ceci, on veut surtout pas gagner de l'argent, faire ma base sur le pétrole, non, on est les gentils, donc on aura la parole à tous les gentils tout le temps, les méchants non. Les experts un peu indépendants, les critiques, les gens qui pensent que ce sont des guerres du fric, et bien entendu, tout ce qui reflète plus ou moins le point de vue de l'ennemi, non, on est en guerre. Donc il y a exclusion des méchants. Mais je parle pas seulement des guerres au sens classique. La guerre économique, la guerre sociale, la guerre contre le tiers-monde, c'est aussi une forme de guerre. Pierre Karl vient de sortir un docu. Il analyse la visite du président équatorien Correa en France. Il montre que c'est très intéressant ce qui se passe en Équateur. Correa a des résultats extraordinaires dans la lutte contre la misère. Et quand il est venu, il a même été reçu à l'Élysée, il est venu, il a fait une visite, des conférences. Rien dans tous les médias. Français, privé et public. Apparemment un méchant aussi. Pourtant, pour les gens du Sud, le fait de sortir de la pauvreté, d'avoir des médecins, d'avoir de l'éducation, c'est quand même extraordinaire. Même chose avec la diabolisation du Venezuela, etc. Donc, ça aussi, c'est les méchants. Et donc, on se retrouve avec des points de vue d'experts qui, comme par hasard, reflètent les intérêts des classes dominantes que nous avons ici. Dernier petit point encore que je voudrais mentionner. La question d'Israël, c'est forcément une question très polémique. Il y a 2 camps, il y a 2 opinions, il y a un déséquilibre épouvantable avec un recopiage de la version en général. Je ne vais pas mettre tous les journées dans le même sac, il y a des gens courageux qui se battent, il y a des exceptions, mais en général, il y a un recopiage de la version officielle d'Israël, en tout cas sur l'histoire. Et moi, je fais souvent des conférences à propos du livre Israël, parlons-en, dans l'immigration, dans les écoles, auprès des jeunes des quartiers populaires. On n'imagine pas la rage qu'ont ces jeunes du fait qu'ils sont exclus du débat. Un jeune de 16 ans ou 17 ans qui dit à son prof « Non, c'est pas comme vous racontez, la Palestine, les Palestiniens y étaient avant, les autres sont venus, ils sont envahis, etc. » et qui explique la réalité, combien de fois le prof lui dit « Tais-toi, tu n'y connais rien, t'es antisémite. » On n'imagine pas la rage qu'il y a là-dedans de se sentir méprisé, exclu du débat démocratique. Et après, on s'étonne que certains d'entre eux aillent se retrouver dans les euro-djihadistes en se faisant manipuler par qui on sait. Mais on a tout fait pour ce mépris, cette arrogance et le fait qu'il n'y a pas de vrai débat sur Israël à la télévision et à la radio. Il y a quelques bons articles parfois de Baudouin-Lose dans Le Soir. mais c'est vrai que c'est plutôt rare. Ça ouvrira tout un débat, ça. Dernière mention, on a mentionné, évidemment, que fondamentalement, on doit s'interroger, si on parle de liberté d'expression, sur qui possède les médias, sur l'impact de la publicité, sur les relations au sommet, sans parler du phénomène de l'idéologie dominante, et sans parler de la course, la vitesse, qui fait qu'on ne paye plus les journalistes pour enquêter, vérifier, approfondir, même simplement être prudent. Il faut aller plus vite que l'autre, il faut être le premier à balancer une info, même si elle est fausse, pour gagner la course à la publicité. On a fait une description très bonne de ce qui se passe en Belgique. En France, et c'est ça qui nous attend, hein, parce qu'on va être satellisé, c'est encore plus effrayant. Tous les grands médias français sont aux mains de milliardaires liés à l'industrie de la guerre, liés à Israël. Et c'est donc... L'info est produite par une catégorie sociale très particulière qui représente 0,0001% de la population. C'est eux qui décident qui sera directeur de rédaction, rédacteur en chef et de quoi on va parler. Et les exemples de censure abondent. Et ça, c'est l'avenir des médias. Donc effectivement, je pense que ce qu'on vient de dire... C'est ça aussi le sens de l'objectif d'InvestiAction, c'est qu'on doit absolument considérer que l'info, c'est trop sérieux pour la laisser aux médias. Je fais une distinction entre médias et journalistes. C'est trop sérieux pour la laisser à ce type de médias et que la seule manière d'en sortir, c'est une info citoyenne où tout le monde prend en main le clavier d'ordinateur, la caméra, le micro pour aller dans la rue, les contacts par Internet avec ou les voyages, pour aller produire de l'information nous-mêmes, vérifier l'information nous-mêmes, tester l'info et mener le débat critique sur avons-nous l'info nécessaire pour effectuer nos choix. Donc c'était un peu une paraphrase de Clémenceau qui disait que la guerre est une chose trop sérieuse pour qu'on la confie aux militaires. Voilà. Bien, après ce premier tour de chauffe avec... nos intervenants, je pense qu'il est peut-être temps maintenant que ben, vous avez, vous, dans la salle, des questions à poser à nos intervenants sur les thèmes qu'on a abordés de manière très, très, très, très légère, finalement, les exclusions, les exclus de notre système, les chômeurs, les migrants, etc. Voilà, maintenant, la parole est à vous pour une série de questions à notre panel qui se lance dans ce jeu des questions-réponses avec nos intervenants. Voilà, on a parlé par exemple de l'exclusion des publics dont on parle dans les médias, mais voilà, on a abordé, quelques intervenants ont abordé également les publics cibles, en fait, donc les consommateurs de l'information, si on peut dire. J'ai l'impression qu'il y a quand même aussi parfois un ciblage ou un compartimentage du public. Voilà, on est tel média, on va viser, je sais pas, voilà, tel public, les gens de gauche ou les ouvriers ou plutôt justement les intellectuels. Voilà, je voulais voir un peu si un intervenant avait peut-être un éclairage à amener là-dessus ou... Est-ce qu'il y a aussi cette forme de compartimentage et de se dire, voilà, bon, ben, voilà, on va faire telle radio pour tel public et à côté de ça, on va peut-être développer un autre projet pour un public peut-être plus intellectuel ou si j'ai bien compris, y aurait-il une segmentarisation, c'est cela, des médias sur des thématiques, des publics? C'est à cause de la pub qu'il y a une segmentarisation. C'est-à-dire que le public n'est plus pris comme un ensemble de gens qu'il faut informer, rendre conscient, faire participer. Le public est ce que ces gens appellent une cible. Il va falloir faire consommer quelle pub on va placer, quels gens on va toucher. Je ne nie pas qu'il peut y avoir une spécialisation. J'aime bien la musique classique, c'est pas le truc de tout le monde. Donc il en faut pour tous les goûts. Mais au niveau des médias, vu que c'est devenu un business, c'est la pub qui décide comment on va s'adresser, de quoi on va parler et de quoi on ne peut pas parler. Alors Stéphane Houbeck, la pub aussi à l'RTBF décide de quel sujet on va débattre dans un journal ou Oui, là, je peux vite répondre à cette question, enfin, qui était déjà de toute façon une remarque. Mais en même temps, je n'ai pas du tout envie de faire un débat RTBF d'un côté versus les autres, parce que je trouve ça tout à fait stupide. Donc évidemment que ce n'est pas les gens de la RMB qui décident les programmes de la RTBF. On a une totale indépendance. Mais on va, voilà, je ne développe pas plus. Par contre, ce que je voulais dire en écho aux interventions, c'est que grâce à l'évolution technologique aujourd'hui, eh bien, toute personne peut créer et peut devenir un média. Et que si la RTBF, puisque la RTBF est apparemment très, très nulle et tout à fait à côté de la plaque, si la RTBF reste dans cette posture-là, bah, elle ne sera plus vue, ni écoutée, ni regardée par personne, puisque les autres médias auront pris la place. Donc je crois qu'il est essentiel que tout le monde profite de sa liberté d'expression et donc diffuse des informations, mais alors des informations objectives. Enfin, il n'y a pas que la RTBF qui est tenue à une objectivité, c'est tout le monde alors hein, qui est tenu à l'objectivité. Et utilise donc effectivement sa capacité de discernement pour publier, pour s'exprimer. Ça obligera alors peut-être, si cette expression-là est meilleure, la RTBF à corriger le tir et à suivre le mouvement. Mais je pense que le mouvement, il est déjà en route au niveau RTBF. J'ai cité tout à l'heure les exemples. Je crois que quand on met le mercredi, je reprends cet exemple, le mercredi, le documentaire de Manu pour mariage, à 20h, juste après le JT, il n'y a pas eu de coupure publicitaire, il y a eu le reportage de Manu pour mariage, puis après directement un débat pendant une heure et demie, il n'y a pas eu de publicité. Voilà, à 20h sur la première RTBF, un documentaire sur l'euthanasie. Apparemment, il n'y a pas grand monde qui l'a vu, mais je vous invite à voir ce documentaire, c'est un documentaire poignant. Alexandre a demandé la parole. Jean-Claude et Abel aussi. Non, mais l'idée n'est pas de créer un conflit. L'idée est que derrière le conflit productif, il y a toujours quelque chose d'intéressant. Et donc, ce genre de débat devrait avoir lieu même à la télé, en radio et partout. Il faut quand même dire que juste la diversification des radios à l'RTBF n'avait qu'un but, comme dit Michel, n'avait qu'un but publicitaire. Et il suffit d'aller sur le site de la RMB voir leur discours. Moi, je me suis inscrit en me faisant passer pour quelqu'un d'autre. C'est fantastique ce qu'ils disent, hein. C'est vraiment fantastique. Mais voilà. Je ne dis pas que la RMB appelle le patron d'IS, ça tu changes, mais il y a quand même un jeu d'influence lié à l'audimat, évident, c'est sûr. S'il n'y avait que l'audimat, il n'y aurait déjà plus de musique 3 depuis longtemps. Hein. Donc clairement, sortons aussi maintenant de cette querelle. On est dans une logique de segmentation, mais c'est lié à n'importe quel type de média. Si vous, aujourd'hui, si moi, par exemple, j'avais envie de créer mon propre média, je créerais un média dans une thématique qui m'intéresse. Je ne sais pas, moi, sur la liberté d'expression ou sur, pourquoi pas, la diversité. Je vais viser une cible. Et ça n'est pas lié, de nouveau, à des connotations publicitaires ou à une doxa capitalistique. Je suis un média et je m'adresse à un public. Et avec l'évolution technologique, justement, parce qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de créer un média qu'avant, ben, je peux cibler, je peux m'adresser à un public déterminé et pas au grand public au sens large. Et c'est une bonne chose, c'est une bonne évolution technologique. Heureusement que ça existe. Et donc aujourd'hui, on peut avoir effectivement une fragmentation de l'offre sans être dans des connotations de nouveau, de doxa, etc. Voilà. C'est juste une logique parce que la technique le permet. Et c'est très bien. C'est une bonne chose. Il faut s'en féliciter. Et Michel Collomb peut s'exprimer comme il l'entend sur les médias de son choix. En même temps, il ne peut pas effectivement obtenir nécessairement que la RTBF l'invitera à chaque débat. Comme moi, je ne peux pas exiger qu'on m'invite parce que j'ai publié un livre. Qui décide qui peut s'exprimer ? Et en fonction de quels critères ? Pour un JT. Le rédacteur en chef du JT. Ça, je savais, merci. Oui. Michel et Abel avaient demandé aussi la parole. Juste un petit... Je pense qu'il y a des publics. Il n'y a pas un public. Et l'audimat... Ce qui fait, enfin, en tout cas, tous ceux qui travaillent dans un système qui est impliqué dans l'audimat conçoivent effectivement le public comme un taux de pourcentage d'audition. Il n'y a plus de distinction dans les publics. Et donc, quelque part, ce qu'il faut faire, c'est jeter l'audimat à la poubelle, comme y compris avec enfin voilà, en tout cas, c'est... Parce que, par rapport à la télévision de service public, je pense que... Il y a une mission quand même de représenter notre société dans toute sa diversité, dans toute son hétérogénéité. Et c'est là où c'est frustrant parce qu'on a toute une série d'exclus qui ne sont pas... Ou bien quand ils y sont, ils sont folklorisés. Ou bien quand il s'agit de militants, ils sont folklorisés également. Et je termine par ça. Quand les citoyens prennent la caméra Et c'est ce que nous, disons que Sony a fait la publicité, désormais tout le monde peut devenir cinéaste. On sait très bien que c'est irresponsable de leur part de dire ça, puisqu'il faut un accompagnement académique. Il faut apprendre à manipuler ce langage que certains experts aujourd'hui détiennent. Et que souvent, on a commis l'erreur, le monde citoyen a délégué ça aux professionnels. Donc, quelque part, il faut démocratiser également l'accès à la connaissance et à la pédagogie audiovisuelle. Et je termine par là. Pendant les manifestations contre le traité transatlantique, les équipes que nous avons formées pour aller filmer, il y a une équipe qui s'est fait arrêter, leur caméra, les images ont été effacées, et la quantité de cas de ce genre où les citoyens prennent la caméra et veulent s'approprier du média commence à ressembler à une situation assez fascisante pour l'instant.